Ce panneau annonce la proximité d'une succession de virages dont le premier est à gauche. Il faut ralentir et adapter la vitesse du véhicule pour pouvoir bien négocier les virages.